étude vibratoire sur l'injection. Donc, il va être question de ça dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, elle s'adresse plus particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui veulent faire une étude vibratoire sur l'injection. Donc, pour faire face à la menace d'un virus. Donc, c'est sûr que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on parle de cette injection en relation avec la crise actuelle. Et l'objectif de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est de faire le point par rapport à ça dans ma vie. On peut faire une étude vibratoire sur n'importe quel sujet. On pourrait, par exemple, faire l'étude d'une pâte à dents. Pour se brosser les dents, on pourrait étudier différentes marques aussi pour voir s'il y en a une qui est plus ajustée que d'autres pour soi. Donc, est-ce que c'est sain, par exemple, prendre un certain type de pâte à dents, et ainsi de suite? Donc, on peut étudier n'importe quoi, n'importe quel produit, mais là, ça va porter sur l'injection. Pourquoi? Ben, parce que je suis un Canadien, je vis au Québec, qui est une province du Canada, et j'ai appris récemment qu'au Canada, sans injection, les gens ne pourront plus sortir du pays bientôt, dans quelques jours, et que présentement au Québec, avec le passeport qui est mis en place en relation avec l'injection, ça en prend un pour aller au restaurant, ça en prend un pour aller dans les bars, ça en prend un aussi pour visiter depuis tout récemment des proches dans des résidences de personnes âgées. Donc, on sent qu'il y a une pression pour se faire injecter. Et n'étant pas injecté, je vais étudier plus amplement la pertinence d'aller de l'avant ou non par rapport à ça. Donc, c'est exigé dans plusieurs lieux publics. Il y a eu des gens qui se sont fait menacer de ne plus pouvoir exercer leur travail s'ils ne sont pas injectés, si on pense aux travailleurs dans le domaine de la santé. Et présentement, par rapport à ça, c'est très émotif, le sujet de l'injection. Il y a une polarisation sans précédent entre les médias de masse et également les médias alternatifs qui présentent des visions très différentes par rapport à l'injection. Là, il n'y a pas de consensus qui est là. Donc, comment s'y retrouver? C'est à travers son identité propre, sa sensibilité et sa capacité d'être en contact avec sa source. Et c'est dans cet esprit-là que, dans les prochaines minutes, je vais poser des questions à moi-même dans le sens de ma contrepartie cosmique en tant qu'esprit. Donc, le but de l'enregistrement aujourd'hui, c'est d'être en contact avec mon esprit et j'invite les gens qui m'écoutent présentement à être en contact avec le leur. Donc, dans les prochaines minutes, je vais poser des questions en lien avec l'injection d'une substance expérimentale pour faire face à un virus en utilisant ma perception vibratoire à moi. Et j'invite les gens à en faire autant pour celles et ceux qui ont envie d'étudier la substance. L'important dans cet exercice est de poser des questions précises par rapport à soi et non pas pour les autres, car une même substance peut avoir un impact différent sur les gens. L'important, c'est de personnaliser la réponse. C'est sûr qu'on peut faire une étude au niveau sociologique par rapport à l'impact d'une injection par rapport à une collectivité. Oui, ça peut se faire, mais l'objectif de l'enregistrement, c'est d'en venir à un positionnement individuel à l'égard de la substance. Donc, de vérifier pour soi plutôt que par rapport à la population en général. Fondamentalement, c'est ce que j'invite les gens à faire pour avoir une réponse qui est individualisée en relation avec leurs conditions particulières. Et aussi, ne pas me croire. Là, je vous partage mes réponses, mais l'important, c'est de ne pas croire ce que je dis, vérifier par vous-même qu'est-ce qui est réel et aussi fondamentalement de vous écouter d'abord. Donc, l'objectif de l'enregistrement, c'est de vous présenter des questions que vous pouvez vous poser. Fondamentalement, l'important, c'est les réponses que vous pouvez vous donner aux questions que vous vous posez. Puis regardez lorsque ça vibre. Donc, on peut parler avec l'esprit de n'importe quoi. On peut parler de la pipe et du beau temps, des sortes de dentifrices, mais on peut parler des sujets qui sont un peu plus sensibles ou qui ont des enjeux sociaux beaucoup plus grands. Parce que là, si la personne n'est pas injectée, puis elle a de la difficulté à avoir accès à des lieux de société comme des restaurants, ensuite de visiter des gens, des résidences de personnes âgées, ainsi de suite, les enjeux sont beaucoup plus grands. Donc, ça risque d'être beaucoup plus chargé au niveau énergétique, puis ça risque aussi de nous faire monter un peu plus en vibration que de parler, par exemple, de manger ou non des fraises pour dessert. Ça risque d'être moins chargé d'absorber cette substance-là que celle dont il est question dans cet enregistrement pour faire face à la menace d'un virus. Donc, je vous partage dans les prochaines minutes mes questions et naturellement, je vous invite à vous écouter d'abord. Et pourquoi que je dis ça? Parce que je suis sans doute l'un des rares individus qui va vous parler comme j'aimerais être parlé par mes dirigeants. Donc, les gens qui sont au pouvoir au Québec, les gens qui vont influencer l'opinion publique dans les médias et également les politiciens. Ben, je trouverais ça intéressant que ces individus qui ont beaucoup d'influence sociale invitent les gens à s'écouter d'abord. Mais bon, on n'est pas rendu à ce stade-là. Il y en a beaucoup d'entre eux qui vont dire aux gens quoi faire en lien avec l'injection et ça leur appartient et ils auront à vivre avec l'impact de leurs propos. Et moi, j'avive les impacts de ma parole. C'est-à-dire que j'invite les gens à être en contact avec eux-mêmes, puis je m'invite moi-même à être en contact avec moi-même. Donc, voilà le petit préambule, la petite mise en contexte qui est faite. Et là, je vais entrer en contact avec mon esprit pour canaliser des informations en lien avec des questions que je me pose par rapport à l'injection. Donc, idéalement, c'est de poser des questions qui doivent être neutres, objectives, pas sous-entendre des croyances, des préjugés, pour pas que les questions soient colorées d'astralité, de mémoriel, d'intellect. Donc, si je pose la question à l'esprit, quel est l'impact sur ma santé d'absorber une injection expérimentale particulière? Ben, il me répond, ben ça dépend quelle injection. Et là, c'est sûr que je peux passer en revue les différentes marques d'injection qui me sont proposées là, par le gouvernement. Et là, je peux je peux les passer en revue, puis là, je regarde qu'est-ce qui émerge. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que de prendre l'injection, ça va, dans le fond, est-ce que, dans le fond, quel impact que ça va avoir sur ma santé? Ben, donc, est-ce que ça peut nuire à ma santé? La réponse que ça me dit, non, globalement, c'est non. Il me dit, c'est sûr, si tu fais injecter, tu vas avoir mal au bras, et tu sais, il va y avoir des choses normales par rapport au site d'injection. Ensuite, est-ce que, dans le fond, est-ce que ça va avoir un impact sur ma santé si j'ai des doses multiples, une dose? 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses, 6 doses, 7 doses. Est-ce que ça va m'empêcher de fonctionner si j'ai des doses multiples par rapport à... Peu importe la marque là, des compagnies, est-ce que dans mon quotidien, ça va altérer mon fonctionnement? La réponse fondamentalement, c'est non. C'est sûr qu'il me dit, ben tu peux avoir un petit peu de fatigue après être injecté. Bon, OK, mais est-ce que ça va m'empêcher de fonctionner, là? Non. Là, je pose la question par rapport aux doses de rappel, parce que là, on parle présentement d'être injecté pleinement, c'est 2 doses. Puis là, en Israël, ben là, pour être considéré injecté pleinement, c'est 3 doses, puis éventuellement la possibilité de 4 doses. Fait que si le Québec suit le même modèle, ou la France, ou d'autres pays dans le monde, est-ce que de me faire injecter à tous les 6 mois une dose... dans les mois des prochaines années, est-ce que quel impact que ça va avoir sur ma santé? Ben, il me dit ça ne changera rien. Il dit, y a des gens qui se font injecter par rapport à la grippe là, pour faire face à la grippe à chaque année, puis ces gens-là fonctionnent. Il dit, vous avez tendance à dramatiser la nature et la portée de l'injection. Il dit, vous êtes influencé par rapport à de la peur, de la crainte, de l'astralité qui est véhiculée par rapport à des médias de réseaux, des médias alternatifs sur les réseaux sociaux, puis ça vous influence, puis là, vous nourrissez de la crainte démesurée par rapport à ça. Il dit, est-ce qu'il y a des effets secondaires en lien avec l'injection? Il dit, oui, il y en a. Mais il me dit, vous... surévaluer la menace potentielle par rapport à votre personne spécifique. Et vous devriez plutôt vous concentrer sur votre personne spécifique et laisser les autres se concerner sur leur propre personne. Il dit, les médias de masse sont sous influence astrale, puis les médias alternatifs aussi. Fait que là, il dit, réveillez-vous. Bon, OK, c'est intéressant. Mais là, si je pose la question, est-ce que la substance injectée peut avoir de l'impact sur mon système immunitaire, sur sa force, sur sa puissance? Il dit, non. Il dit, la substance injectée ne va pas réduire la force de votre système immunitaire. Elle peut faire une interférence ponctuelle par rapport à ce dernier, mais fondamentalement, non. Puis là, si je pose la question, ouais, mais plusieurs doses, là, s'il y en a 2, 3, 4, 5. Il dit, non, le système immunitaire, dans votre cas à vous, il va continuer. Bon, est-ce que la substance injectée peut avoir de l'impact sur la santé de mon cœur? Que le fonctionnement soit correct, soit adéquat. Il dit non. Ben, il dit au début, suite à certaines sortes d'injections, oui, il peut avoir une petite fatigue, mais ça n'occasionnera pas de problématique à long terme en lien avec le fonctionnement de votre cœur. OK, l'impact pour les reins, bon, il dit il n'y en a pas. Bon. Ensuite, pendant que je vous parle, j'ai mes questions d'un côté, puis en même temps, ben, je prends le crayon pour faire des barres de gauche à droite pour m'amener dans un état de transe pour canaliser. Puis je ferme les yeux. Fait que d'un côté, j'ai les questions, puis par rapport à ça, je ferme les yeux. C'est sûr que dans l'exercice, ce qui peut être fait, c'est de passer en revue à voix haute les différentes marques en relation avec les types d'injections. Et dans le fond, là, je ne veux pas faire de publicité là, par rapport aux différentes marques. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mentalement, à l'égard des différentes marques qui sont proposées, celle qui est plus ajustée par rapport à moi. Et ne m'écrivez pas pour me poser la question, parce que celle qui peut être plus ajustée par rapport à moi n'est pas nécessairement celle qui va être plus ajustée par rapport à vous, parce que c'est une question individuelle. Donc, c'est ça. Si je pose des questions ensuite au niveau d'exploration vibratoire par rapport à l'injection, à savoir quels sont les objectifs des entreprises qui produisent ces substances en grande quantité présentement, ben, ce que ça me dit, c'est que l'objectif des entreprises, c'est de développer des produits pour faire face à la menace d'un virus et ça représente pour eux naturellement une opportunité financière. OK. Bon, quel est l'objectif des membres du gouvernement qui veulent faire injecter massivement les gens? Bien, ce que ça me dit, c'est que ces gens-là veulent paraître comme étant les sauveurs d'un peuple et être réélus aux prochaines élections. Donc, pour eux, c'est le moyen qu'ils ont jugé comme étant pertinent pour faire face à la menace d'un virus. Quel est l'objectif du passeport, dans le fond, qui est implanté au Québec là, en lien avec l'injection. Même chose pour les différents pays occidentaux. Ben, il me dit que c'est un objectif politique de politiciens de créer un sentiment de sécurité auprès de la population qui va avoir le passeport. Donc, autrement dit, c'est de donner un sentiment de sécurité par rapport aux gens qui sont injectés en ayant ça. Si je pose la question, c'est quoi les intentions réelles du gouvernement du Québec en relation avec l'injection de masse? Pourquoi qu'il met tant que ça de la pression aux gens pour se faire injecter? Ben, ce que ça me répond, c'est que c'est pour faire face à la menace d'un virus, puis les politiciens qui constituent le gouvernement veulent être réélus, puis ils veulent bien paraître aux yeux du peuple, et comme il fonctionne beaucoup par sondage, puis présentement, l'injection est bien vue par une grande portion de la population, mais ils ont tout intérêt à mettre l'emphase sur cet élément-là pour, dans le fond, paraître comme étant les sauveurs d'un peuple face à la menace d'un virus. Et donc, ces êtres-là qui sont spirituels trouvent ça très valorisant, l'idée de sauver une population d'une certaine menace en leur faisant injecter d'une substance et de les amener à se sécuriser à travers un passeport sanitaire comme étant leur planche de salut. Autrefois, au Québec, avec l'Église catholique, les gens devaient être baptisés. Et si les gens étaient baptisés, donc il y avait en lien avec le baptême, il y avait un certificat de baptême qui leur était donné, c'était leur planche de salut. Donc un Québécois qui était baptisé, ça lui permettait, s'il décède, d'accéder au paradis à la fin de ses jours. Tandis que si l'enfant n'était pas baptisé, selon la croyance religieuse chrétienne, eh bien, l'enfant allait soit en enfer s'il a commis des mauvaises actions ou dans les limbes. Alors que pour avoir accès au paradis, ben, l'enfant devait être baptisé. Et l'Esprit me dit, il dit, c'est cette réminiscence en lien avec la mémoire du catholicisme qui est présente dans la culture québécoise, qui est utilisée en relation avec la crise. Donc, la planche de salut, c'est pas le certificat de baptême, c'est le certificat, dans le fond, de passeport lié à l'injection. Et l'injection, c'est la planche de salut pour avoir accès à un monde où les gens sont en sécurité. Donc, les gens autrefois avaient peur de se retrouver en enfer. Et pour les sécuriser, ce qu'on faisait, ben, c'est qu'on leur disait, ben, écoute, fais-toi baptiser et tu vas pouvoir aller au paradis. Et là, aujourd'hui, on va dire aux gens, pour les sécuriser, si on peur d'un virus, eh bien, fais-toi injecter et tu vas pouvoir avoir accès grâce au passeport qui s'y rattache à différents lieux publics. Et ça donne l'idée que ces gens-là vont être en sécurité en ayant ce document-là avec d'autres personnes similaires à eux qui sont injectées. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire présentement. Tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a un agenda occulte derrière l'injection de masse puis le passeport par rapport à, dans le fond, à qu'est-ce qui est dit dans les médias en lien avec ça? Est-ce qu'il y a un agenda de contrôle social volontaire de la part du gouvernement? La réponse qui émerge en moi, c'est non. Les gouvernements cherchent à bien faire en relation avec les moyens qui leur sont proposés pour arriver à ces fins. C'est-à-dire que les autorités gouvernementales sont orientées par des entités du plan astral qui vont orienter les solutions qui sont proposées dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, l'idée de l'injection de masse oriente les gouvernements à faire une campagne de promotion de l'injection, puis les médias aussi dans ce sens-là, mais ils sont orientés par rapport à certaines forces. Et il faut se poser la question, c'est quoi l'objectif des forces qui cherchent à amener une division de la population entre les gens injectés et non injectés? Eh bien, c'est de voir que les forces qui orientent dans ce sens-là et qui nourrissent la peur des injectés par rapport aux non-injectés, et ça peut être le contraire aussi. Le but des forces, c'est d'amener les gens à vibrer à de l'émotionnel. C'est pas à ce qu'il y ait une sortie de crise. Donc, les forces qui cherchent à diviser la population, c'est pas que la crise prenne fin, c'est que les gens vibrent à de l'émotionnel, entre autres de la peur ou un sentiment de culpabilité. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des forces qui se nourrissent de ces états émotionnels-là, et les gens qui nous gouvernent ne sont pas pleinement conscients des réalités occultes qui sont derrière les actions qu'ils vont mettre en place par rapport à des populations. Il y a un adage qui dit que l'enfer, le chemin, en fait, qui mène à l'enfer est rempli de bonnes intentions. Et c'est sûr que dans les membres du gouvernement, il y en a qui sont très spirituels et leur intention en proposant l'injection de masse, c'est en ayant passé en revue préalable certaines façons, de stratégies pour faire face à la crise, c'est elles qui ont évalué comme étant la meilleure, puis eux autres, en faisant cette promotion-là, croient bien faire avec grande sincérité. Et c'est ainsi. C'est sûr que quand je parle avec l'esprit, des fois l'esprit m'amène à dédramatiser certaines choses. Donc, par rapport à la nature de l'injection sur ma personne, bon, ça m'amène à dédramatiser certaines choses. Et quand j'en fais l'étude de qu'est-ce qui, en moi, dans le fond, est pas à l'aise avec qu'est-ce qui se passe présentement, c'est pas la nature fondamentalement de l'injection. C'est plutôt les mesures de contrôle qui sont mises en place avec la mise en place d'un passeport, puis le contrôle social qui s'exerce implicitement en relation avec cette dernière qui m'amène à vivre la contrariété. Donc, l'idée, par exemple, d'être scanné, comme un objet à l'entrée d'un commerce. Donc, on va scanner, par exemple, une boîte de conserve, on va scanner par la suite une bouteille de liqueur, et là, on va scanner l'être humain avec un code QR et non pas un code barre, mais c'est quand même proche, à l'entrée d'un commerce pour valider son identité. Et l'idée que, de plus en plus, dans les lieux publics, on va me demander de valider mon identité. Par rapport à ces types de mesures-là de contrôle, en réalité, lorsque j'en fais l'étude, je réalise que, dans le fond, c'est ce qui m'amène à vivre de la contrariété là, fondamentalement. C'est aussi la mentalité des gens de vouloir imposer à tout le monde de se faire injecter une substance. C'est plus ça qui me crée présentement de la tension, de la contrariété. En fait, dans la vie en général, je n'aime pas ça qu'on m'impose des choses. C'est tout simplement ça. C'est là que j'accroche. Mais si vous me posez la question, est-ce que les membres du gouvernement, comme Christian Dubé, François Legault, qu'est-ce qu'il en est par rapport à leur intention? Moi, ce que ça me dit intérieurement, c'est que ces gens-là cherchent à faire le bien selon ce qu'ils croient être juste, mais qu'ils n'ont pas une compréhension multidimensionnelle de la réalité, des impacts aussi occultes de leur action, et n'ont pas une compréhension totale de la psychologie de masse, qui fait que des fois, ils vont faire des erreurs de communication à travers leurs conférences de presse, leurs propos, leur approche aussi de la population. Donc, ils ont une sensibilité relative, une compréhension relative aussi du phénomène humain, ce qui fait qu'il peut y avoir des propos qui manquent d'ajustement, naturellement, comme tout être en voie d'évolution. Donc, mais fondamentalement, un agenda de contrôle social des autorités québécoises qui serait en dehors de la crise, non. Ça me dit qu'il n'y a pas d'agenda en dehors de la crise. Est-ce que le gouvernement québécois, dans le fond, par rapport à la crise, c'est quoi qu'il a gagné en relation avec son mode de gestion? Ben, c'est d'être bien vu par la population, vu comme en faisant suffisamment pour faire face à la menace du virus, aller dans le sens de répondre aux besoins de personnes qui ont peur d'être sécurisées à travers leurs actions nombreuses, de leur engagement. Et à quelque part, ils font ça pour plaire à la population, puis il y a une certaine sincérité derrière ça. Donc, c'est ce que je perçois présentement. Est-ce que, en lien avec la crise présentement, la menace d'une pénurie alimentaire est réelle ou c'est quelque chose de fabulé, de fantasmé? Ben, ce que ça me dit, ben, c'est sûr que présentement, si, dans le fond, la crise amène des retards d'acheminer certains conteneurs à certains ports. Ensuite, des employés ben, sont jugés comme étant des cas positifs, ben, ils ne peuvent pas travailler. Donc, ça amène un retard de la production. Ensuite, il y en a, ben, c'est sûr qu'ils sont sur des mesures gouvernementales au lieu d'être sur le marché du travail. Donc, une certaine pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Donc, il y a différentes variables présentement qui peuvent amener un certain niveau de pénurie ponctuelle. Mais est-ce que fondamentalement, les différents gouvernements ou autorités planétaires cherchent à mettre en place, une pénurie mondiale pour l'ensemble de la population? La réponse, c'est non. Ils ont à faire face à la crise, ils mettent en place des mesures. Il y a des mesures qui peuvent retarder la production industrielle, ce qu'on n'a pas connu dans les dernières années. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de rareté ponctuelle? La réponse, c'est oui. Mais est-ce qu'on peut se retrouver dans les prochains jours avec un rationnement un peu comme lors de la Deuxième Guerre mondiale avec des coupons pour avoir les denrées de base là, comme la farine et ainsi de suite? La réponse, c'est non. Mais des raretés ponctuelles, oui. Bon, il ne faut pas nécessairement dramatiser. Et là, je vous parle de ça par rapport à moi-même qui a fait des réserves pour au moins 3 mois de nourriture avec des poches de riz, des lentilles, des boîtes de conserve. Donc, j'ai tout acheté ça là, dans les dernières semaines. Si je le parle à voix haute, est-ce que c'est nécessaire d'avoir acheté tout ça? La réponse que ça me dit, c'est non. Par contre, c'est des choses qui se conservent bien. Donc, si je les passe dans les prochains mois, il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de gaspillage. relatif à cela. Puis, il arrive aussi tout simplement comme phénomène, bien, c'est quand l'hiver, il y a des grosses tempêtes de neige. J'ai pas envie de sortir de chez moi pour aller à l'épicerie. Ça m'appartient, tout simplement. Sinon, j'avais une liste de questions, je les ai passées en revue, fait que j'ai fait l'alternance entre mes questions puis qu'est-ce que je canalisais. Là, je vais tomber sur un mode plus sans support de questions, juste en mode canalisation, là, tout simplement. Ben, j'avais des choses à observer par rapport en lien avec l'injection. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que, dans le fond, il y a d'autres choses à rajouter en relation avec l'injection? Bien, ce qu'il me dit, c'est que dans mon cas personnel, je me suis trop cassé la tête par rapport à ça. J'ai trop dépensé dans les dernières semaines, les derniers mois, une quantité grande d'énergie à me faire récupérer par l'astral puis à vibrer à de l'anxiété en relation avec l'impact potentiel de l'injection. Et j'aurais dû vérifier sur le plan énergétique plus rapidement qu'est-ce qu'il y en est. Mais comme je vibrais beaucoup à de la crainte, de l'astral, ça me coupait de moi-même, de ma source. Et ce que je peux dire présentement, en tant que je qui observe ce qui se passe en moi, c'est qu'avec le temps, j'aurai à apprendre à être plus efficace. Et si ça m'arrive, ben peut-être que c'est le cas de certaines personnes d'entre vous aussi qui m'écoutaient. Normalement, par rapport à une substance ou quelque chose, ça devrait, lorsqu'on utilise la canalisation pour se situer par rapport à ça, se faire en claquant des doigts sans réfléchir. Mais là, moi, j'osais pas nécessairement canaliser. Ben, je dis, au cas où que je me trompe, là, les enjeux sont lourds. Puis plus que les enjeux sont lourds, plus que j'ai peur de faire des erreurs. Puis plus que j'ai peur de faire des erreurs, plus que ça m'amène à vibrer à la peur. Puis plus que je vibre à la peur, puis moins je sais. C'est comme si je crée un nuage qui me sépare du rayon du soleil qui a toujours été là. Le savoir par rapport à tous les éléments pertinents à l'égard de mon existence est là. Présentement, si je pose la question à l'esprit, est-ce que j'ai à me faire injecter maintenant? Non. Est-ce que, dans le fond, mon organisme est capable de faire face au virus? Il me répond oui. Bon, OK. Est-ce que j'aurai peut-être à me faire injecter dans les prochains mois? Il me répond, on verra. Est-ce que de me faire injecter va me rendre heureux? Non. Est-ce que ça me rend plus intelligent? Non. Bon, je pose toutes sortes de, je peux poser toutes sortes de questions en lien avec l'injection. Il y a toutes sortes de choses qui me passent par la tête. Dans l'état d'intériorisation puis de dialogue interne qu'on peut vivre, des fois, il y a des choses drôles, comme ça me le dit intérieurement, de la lucidité, ça s'injecte pas. De la lucidité, c'est le résultat de l'exercice du discernement par l'individu qui se conscientise. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était une capsule par rapport à l'injection. Bon, ça a été utile pour moi à dédramatiser par rapport à certains éléments relatifs à l'injection. Par rapport à l'injection, on va voir ce que ça va donner aussi au niveau de la population dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a des gens qui vont évaluer certains effets, d'autres effets, puis on verra le réel de ce qui est dans un nombre de semaines, dans un nombre de mois, par rapport au concret de tout ça. C'est sûr qu'il y a un délai. Et écoutez, dans le fond, je peux me permettre ici de faire amende honorable dans le sens que sur Facebook, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai beaucoup partagé des éléments de gens qui étaient plutôt pessimistes en relation avec la gestion de crise, l'injection. Et je pense qu'il faut réajuster les choses à un certain niveau. Il faut regarder les réalités pour ce qu'elles sont. Et moi, la perception que j'en ai, c'est que les gouvernements ne sont pas composés d'anges, mais ils ne sont pas composés non plus d'êtres qui sont... c'est ça qui me vient en tête, là, d'être consciemment sataniques. Il ne faut pas aller dans ce sens-là non plus. Il y a des individus qui sont naïfs, au niveau du gouvernement. Ça, c'est clair, comme dans la population en général. Faut prendre ça. Ce qui me dit l'esprit, il faut prendre ça relax par rapport au gouvernement. Dans mon cas, il me dit, vous avez tendance à vous imaginer que des êtres plus conscients qu'ils sont en réalité ou qui sont plus calculateurs que vous pouvez le penser, mais c'est pas nécessairement le cas. Il dit, l'esprit, c'est des êtres sous influence, comme les êtres humains en général. Si vous pensez qu'ils ont accès à des secrets ou à des choses que vous savez pas, ben, c'est sûr que le gouvernement américain il peut avoir accès à des secrets militaires, mais le gouvernement québécois, est-ce qu'il a accès à des choses que vous ne savez pas en lien que le virus? Il me répond fondamentalement non. Est-ce que le gouvernement est pleinement transparent? Il me dit ben non. Soyez pas naïf, mais pensez pas qu'il... Ah, c'est ça le point. Pensez pas qu'il sait tout. Ne pas surévaluer les gouvernements, mais ne pas les sous-estimer non plus, avoir une juste mesure. C'est ce que ça me dit. Mais fondamentalement, le message que j'ai eu à me donner à travers cet enregistrement-là, c'est de prendre ça relax, calmement par rapport à ce qui se passe. Moi, il faut que je fasse attention pour, dans le fond, attribuer des intentions trop pessimistes par rapport au gouvernement. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'individu, j'ai comme faille d'être plutôt pessimiste, suspicieux, critique. Très critique par rapport au gouvernement. Alors que ça me prend une justesse par rapport à eux. L'important, c'est de savoir c'est quoi ces filtres. Donc, il y a des gens qui vont voir le verre comme étant à moitié vide, puis d'autres à moitié plein. Moi, j'ai tendance à le voir à moitié vide. Ce qui m'amène sur le plan subjectif et réflexif à vivre de l'anxiété alors que c'est pas nécessaire. Ce que ça me dit intérieurement, ben neutraliser l'anxiété et la relation que vous avez avec l'astral qui cherche à vous drainer vers le bas en touchant un petit peu à la polarité inverse. Comme par exemple, dans mon cas, je vais écouter des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau qui est très optimiste par rapport à lui-même. Ça me permet de neutraliser l'attitude anxieuse que je peux avoir par rapport à l'existence, d'être en contact avec son optimisme débordant. Donc, c'est pour ça que moi, particulièrement, d'écouter ces enregistrements-là, ça a une utilité et une fonction parce que ça permet de me réajuster. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce qui peut être utile pour quelqu'un n'allait pas pour l'autre. Et ce qui m'amène à boucler la boucle en lien avec l'enregistrement par rapport à la nature de l'injection, en ce sens que une personne, pour elle, d'être injectée d'une substance, c'est très bien. Ça l'aide à diminuer son stress, à la calmer, à faire face à un virus, tandis que pour l'autre, c'est pas nécessairement approprié. Et c'est du cas par cas, et chaque personne peut utiliser sa sensibilité pour regarder la vibration qui est derrière une substance et poser la question, est-ce que c'est approprié pour soi ou non d'avoir cette substance-là dans le corps? En terminant, ce que je peux dire en lien avec l'injection, en conclusion, c'est que pour l'instant, j'ai pas l'intention de me faire injecter, bien que je ne capte pas que la substance puisse me porter là, un préjudice, là, que ce soit une ou plusieurs doses, là. Que je suis pas à l'aise avec le principe là, du passeport là, lié à ça. Et je trouve que c'est pas un beau précédent pour une société. Puis l'idée que dans l'avenir, on puisse être contrôlé à chaque fois qu'on va dans un lieu puis on nous demande le passeport, ne me plaît pas du tout. Donc, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Par contre, c'est sûr que si le passeport devient plus généralisé puis à un moment donné, ben ça m'apprend un pour aller acheter de la nourriture à l'épicerie, à ce moment-là, ben c'est sûr que probablement que je vais me faire injecter là, naturellement. Même chose si ça devient une norme sociale dans les prochains mois, puis ça revient pas en arrière, dans le sens que si j'en ai besoin pour aller aux États-Unis, une fois de temps en temps, j'aime voyager, me déplacer, aller dans des restaurants. C'est sûr qu'en effet, là, je vais probablement là, me faire injecter. Pour l'instant, je repousse parce que j'en vois pas, présente pas la pertinence, mais bon, sinon, ben j'aurais appelé sur mon orgueil parce que je suis en contestation avec le principe du passeport lié à ça, que de cette forme-là d'imposition, mais c'est sûr qu'il faut composer avec une société en même temps, dans le sens que des trucs sociaux que je suis pas à l'aise, mais finalement, ben, je suis obligé de plier. Et c'est sûr que ça me plaît pas, en tant qu'ego, là, d'avoir à plier, mais à un moment donné, ben, c'est sûr que si on veut fonctionner en société, ben, il y a des paramètres sociaux à prendre en considération. Donc, c'est là où ce que j'en suis par rapport à tout ça. Et écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.